tu mets pas un petit remix de Mao qui sont passés là il y a un mois, deux fois. C'est chaud aussi. Sur scène, ça. Ok. Je vais vous mettre aussi un morceau pour